Amen. Que se facía encara que vivía de menjar un cop cada any. Menjàvem de... castanya a la sesó, facíem la castanyada, facíem d'ovelleta, però... Quina època era de les ovelletes? Ah, les ovelletes, en principi, più tard, quan hi havia la Candelosa, em sembla. Veieu bé, no? Com li crepa, com hi havia... Alors que les castanyes eren plus lèvres avant nouvel? Oui, ils avaient nouvel. Ils en aquelle occasion, puis se bevaient la trempe, coïncidaient avec eux. Il y avait une régularité, effectivement, qui correspondait à la saison. À la saison, alors après, il y avait une nouvelle. Alors, il y avait une nouvelle un peu spéciale quand même, mais nous ne grossons pas les nouvelles. À cause d'une cause que se faisait en famille quand même. Oui. Faisait ce qu'au carré, une famille. Il y avait les plats traditionnels, quoi. Ouais. Il y avait la sauce de carne, il y avait le tien d'espignard, il y avait. Puis les desserts de nouvel, quoi. Ah. Comme c'est une ligne. Tous les desserts, en fait. Ouais, les 13 desserts. 13. Oui. Les perbédouines qui donnaient avec les 13 desserts, de quai, finalement. La tradition des justes, la tradition des nouvelles. Qu'il y avait dans les communes. Les desserts. La liste des desserts, mais d'ici des bédouines qui correspondaient. Et quand je le livre, j'ai la cause, mais ce qui s'est faillé à la main, il y a d'autres causes des coquillards. La bédouine, il devait y avoir des noces, des amèles, des comme ainsi, mais c'est sûr. Tiens, les noces, les amèles, les rasins secs. Que viennent donc les rasins secs d'ici? Ah, oh, ben oui, nous faisions ces cas, oui. Tu faisais des rasins frais, mais il y avait une carte en nouvelle, parce que toutes les gens gardaient. Comment se conserve le rasin? Ils mettaient un coup sur une canisse, un impôt de paille. Ils sont tous placés les uns à côté des autres. Et qui, alors, qui mettait d'abord des grenaches, le rasin nègre, et mangeaient comme des pains les gens. Des grecs, ça. Oui, mais c'est secava bien la ganache. Comme rasin sec? Seca, flacci, quoi. Flacci. Oui, pas sec complètement, mais ah, un bel rida, quoi. Ah, des ganaches, t'es. Oui. Quoi, ça ne veut pas. Et après, mais il y a une des panses de gourmet, la panse. Quand ils disent, ils ont. Rasin qui n'y a toujours en Espagne de penser, on arrive ici, on pense après tard quoi. Ils ont rasin blanc, comme l'eau d'atier, comme et puis des plans verts quoi. Et ils ont quelques restaurants des derniers. Et alors Mais c'est faisait le nougat. Ah, le nougat. Le nougat, dans tous les restaurants, c'est non faisait, acceptavant les oubliés. Mais à qui les amèles, bien sûr. Faisaient griller les rostis les amèles, faisaient cuire le mèo à mes les amèles, et à quoi le mettaient entre. Si les oubliaient, une dessous, une dessus, et puis après mettaient des planches, une pièce dessus, vers la platine, parce que c'est. Et l'horizon, on va pas dire comme ça. Ma mère n'a fait que ça en fils, mais pas encore, hein. Mais le nougat blanc, n'avait-il pas. Non, à quoi, je ne savais pas bien la recette, à qui il y a des farines, des lignes. Tu ne faisais pas bédouin, Bléau. En principe, c'est faillé que le nougat nègre. Et per. Quand, il me semble qu'il y a. Pas un proverbe, mais une phrase pour dire que le rasin qui se mange le 1er janvier porte bonheur, rien comme à quoi, non? C'est concerne le rasin, il va signer oui. Pernant, je ne sais pas. Il y a un rapport entre le fait de conserver des récoltes per la guerre, per l'ouvert ou per le 1er janvier, nous fait de dire qu'ils ont un bon signe per l'an qui vient. Tu savais ce qu'on avait, non? Non, je ne faisais pas. Non. Non. Et comme entre. Comme autre dessert, alors avec les produits, il y a encore la pompe, quoi, c'est facile ici. La pompe. La pompe à l'Oli. À l'Oli, quoi, et puis là, les Marseillais, quoi, ils disent la pompe à huile. Ah, mais ma, mon grand vasier, hein. Ah oui. Ah oui, ma grande vasier. C'est que c'est vasier, il a. Oui, ça s'appelle pas la pompe, ça s'appelle l'Oudibassier, quasi. L'Oudibassier. Non, il n'y a pas le même nom, mais la même fabrication. Ici, ici il y avait la panade, les panades. Ah, les panades. Les panades, d'accord, ils étaient comme la tarte, que c'est faillard, la pâte, et qui sont faites soit s'il y avait des feuilles, des pommes. Mais alors, aquella que se faisait per Noël, la panade au mel ou mes espignards. La connaissais, alors, ok. Ah, diable, c'est la faccia l'autre jour. L'autre elle n'avait pas per eux. Oui, Marcel a la faccia. Marcel. Reynard l'avait en faccia per l'ORTF. Ah non, mais ah, la question. Lui, elle l'a passé. Ah, l'a passé. Oui. Alors. Et comme tu tes recettes à Vias, alors que. Ah, ben, Marcel qui l'a la recette. Mais après, c'est toi, Lustau, ou d'autres, Tramène. Avant, si, c'est faisait l'oustau. Alors, et alors, on ne faisait plus. Bon, non, il des plats. Il des causes qu'ils prennent long à faire. Et, pas tant la main. Maman, il en a fait une, mais je sais pas qu'il n'a pas pris. Il n'a pas pris de grand temps, quasiment. L'idée, il y a des spignards, et il y a des spignards et des mets. Des mets, ils mettent un pot de sucre. Et puis, ah. Mais d'oli. D'oli. Je ne sais pas s'ils mettent un parfum ou coca, de sucre, ils mettent. Mais enfin, mais. Et quoi est traditionnel? Ah, ben. Père Bédouin ou père. D'ici, oui. Quartier d'ici, du quartier de Ventoux. Oui, c'est. Pas de pas dire, c'est. C'est Amazon, c'est Amazon Loufan, c'est. Quoi, vous savez pas. Ah, bon. Mais. Ici, là, il y a de dire, il y a où. Eh bien, billet de monine, en vieille. En solitaire. Un célibataire qui, ouais. Père Noël, faisait deux tartes, deux panades. Panades, c'est disait. Oui. C'est disait panades. Une au mel, les espignards, mais l'autre à la poule. Il pomme. Pomme, non, mais elle faisait partie des traits de dessert, alors encore. Oui, oui. Ok. Et que depuis, il y a d'autres encore, alors, pas les traits de dessert. Ah, ben, à part les causes secs et les. Et si, il a toujours resté une caillère de Bédouin, une caillère de Ventoux. Quelle est la spécialité d'ici, par exemple? Il y a des. Il y a des fruits exotiques, pour eux? Ah, mais il y a que l'oudati qu'ils admettent comme un fruit exotique. Dire, là. Pour il y a les gingerles, la jujube. Il y avait les esperbes, pour eux. Mais quoi le fruit de sorbier. Ah bon. L'esperme, dit c'est dit. L'esperme. Et les fruits sauvages, quoi. Fruits sauvages ou mieux sauvages. Mieux sauvages. Parce que c'est poussant des liribas, quoi. Mais quoi, il n'y avait pas mal de spermières. Il y avait des spermières, disait. Ah, il y avait des qui ont travaillé alors. Oui. Ah.